you found. Sing me all the songs you love. Can I sing them with you now? You're killing me over love. Your kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Jeudi, la journée est belle et elle démarre maintenant sur Fun Radio, bienvenue. Fun Radio. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Plancha, presse à grumes, croque-monsieur pour moins de 40 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Bon réveil tout le monde, il est 6h en ce jeudi 14 juillet 2016. On fait un tour de l'actu avec Jean-François Servais. Salut Jeff. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Officiellement investie comme première ministre britannique, Theresa May a promis hier de relever le défi du Brexit. Celle qui devient la deuxième femme à prendre la reine en Grande-Bretagne après Margaret Thatcher veut aussi garantir une justice sociale et un maintien de l'unité du Royaume-Uni menacée d'éclatement par sa sortie de l'Union Européenne. L'ancienne ministre de l'Intérieur s'est vue confier la responsabilité de former le nouveau gouvernement conservateur par la reine Elisabeth II lors d'une audience privée hier à Buckingham Palace. Elle hérite d'un Royaume-Uni que le référendum a laissé sans dessus dessous entre turbulences économiques et pression des dirigeants de l'Union Européenne pour que Londres engage au plus vite la procédure de divorce. En Italie, les opérations de recherche d'éventuels survivants et de victimes de l'accident de train qui a eu lieu mardi dans les Pouilles sont terminées. Le bilan de cette catastrophe, l'une des plus importantes de ces dernières années en Italie, s'établit donc à 23 personnes, toutes identifiées de nationalité italienne. Deux trains circulant sur la même voie se sont heurtés de front mardi en fin de matinée, faisant donc 23 morts et 54 blessés, dont 23 étaient toujours hospitalisés hier en fin de journée. Chez nous, la commission d'enquête sur les attentats du 22 mars s'achemine vers un rapport intermédiaire sur l'action des services de secours ce jour-là. Selon son président Patrick De Waal, la majorité et l'opposition s'accordent sur un certain nombre de recommandations et de constats. Hier, à huis clos, les députés ont formulé leurs remarques à propos du rapport remis par les experts la semaine passée. Les observations sont nombreuses, les experts les intégreront à leur travail. La commission devrait à nouveau se réunir lundi, sans doute au finish, pour adopter un rapport intermédiaire et provisoire avant les vacances parlementaires. La zone de police Bruxelles-Ouest a effectué 14 perquisitions durant la nuit de mardi à mercredi, on l'a appris hier, dans le cadre d'une enquête sur un important réseau de vente de cocaïne. Il s'agit d'une de ses plus grosses prises, avec un total plus de 400 000 euros et près de 5 kilos de cocaïne. Trois véhicules ont aussi été saisis. Les perquisitions ont été menées dans plusieurs communes de la région bruxelloise, composées de trois frères, dont un mineur. L'organisation distribue à grande échelle de la drogue dans plusieurs grandes villes du pays, notamment à Malines, Anvers et Namur. Un petit mot enfin sur le Tour de France pour vous dire que le Slovaque Peter Sagan a remporté hier la 11e étape courue entre Carcassonne et Montpellier. C'est son deuxième succès sur la Grande Boucle cette année. Christopher Froome a terminé à la deuxième place et a conforté son avance au classement général. La 12e étape se terminera aujourd'hui au Chalet Reynard, soit à 6,5 km du sommet du Mont Ventoux où devait être jugé à l'arrivée. Mais à cause des conditions météo, notamment un vent très violent qui souffle dans cette région, l'étape a été écourtée d'un peu plus de 6 km. Fun. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Dans quelques petites minutes, on se fait un petit souvenir avec Lucky Pearl. On aura aussi le duo Autonose et Avicii. Et juste avant, on fait un point sur la météo. Jean-François, qu'est-ce que tu as pour nous pour ces prochaines heures? Eh bien, le temps sera variable et frais avec des averses aujourd'hui et au moins dans la matinée. Cet après-midi, il fera sec dans l'ouest du pays avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 14 et 19 degrés. Et puis demain, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux. Donc pour le grand et beau soleil, il faut encore attendre un petit peu. Eh bien, on patientera ce week-end. Merci Jeff. Prochain rendez-vous à 6h30. Tout de suite, le son dance floor dans le Summer Fun avec Justin Timberlake. Fun Radio. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia. Profitez-en aussi sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Fun Radio 6h06. Dans quelques secondes, c'est Autonose et Avicii que je vous cale côté son dance floor. Yeah, ça sent bon. Et avant ça, on se dit bonjour. Salut Coralie, comment ça bonjour, va? Bonjour, ça va et toi? Mais écoute, très très bien. Toute l'équipe au rendez-vous, Étienne à la réalisation, Jean-François aux infos et puis nous au taquet comme chaque jour. Oh oui. Pour vous proposer une matinale détente, souriante et surtout qui sent bon l'été. J'espère que tout se passe bien. Qu'est-ce que tu as fait de beau hier, Coralie? Hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un rendez-vous. Un donc j'ai été à mon rendez-vous. Qui était super intéressant, j'imagine. Oui, très. Mais on ne dira pas quoi. Non. C'est secret. Et bien en tout cas, j'espère que tout se passe bien. On va commencer par les éphémérides, comme chaque jour. C'est la première chose qu'on fait pour bien démarrer la journée. C'est la petite anecdote qu'on vous donne pour être un peu intelligent à la machine à café. Pour faire genre, ah ben tu sais, aujourd'hui, il y a ça. C'est l'éphéméride du jour. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Jeudi 14 juillet aujourd'hui, bientôt la fin de semaine, Coralie. Oui, nous sommes le 196e jour déjà. De l'année. On peut d'ores et déjà souhaiter une bonne fête aux Angéline, Michel, Mickaël et aux Camille. Bonne fête à vous, Camille d'ailleurs, qui je pense est un prénom latin, non ? Ça donne un truc du style Camillus, Camillus ? Ouais, exactement, c'est vrai. Les anniversaires de stars aujourd'hui. Aujourd'hui, Dorothée fête ses 62 ans. On souhaite un joyeux anniversaire à Malika Ménard et à Matthew Fox. Eh bien, bon anniversaire à eux. Vous avez fêté votre anniversaire aujourd'hui. Ou bien alors, vous voulez fêter l'anniversaire d'un proche. Comment s'inscrire ? Ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Ou encore via notre page Facebook. Coralie, comment on se connecte avec nous ? Allez, simplement liker la page Facebook Summer Fun et envoyez-nous des messages. On vous lira à l'antenne. Et on fait ça jusqu'à 9h. Merci d'être avec nous. Summer Fun en direct, 6h08, Autonos Avicii. C'est ce qui arrive. Montez le son, bienvenue. Step off the train at dawn, back in the place where I was born. And it's been 10 years since I've been gone. It took me 10 years to know I'm wrong. I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've set out to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. Until you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes. That I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've set out to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. 6h14 sur Fun Radio, bon réveil. Et dans quelques secondes, c'est Mo, mais Aloha qui arrive. Et c'est le titre qui vous envoie directement à la plage, les doigts de pied en éventail. Et ça fait du bien, c'est l'été, vous écoutez Summer Fun et vous êtes sur Fun Radio. Le temps de vous rappeler qu'on a un cadeau exceptionnel et le mot est petit, Coralie, pour ce cadeau à plus de 600 euros. Oui, parce que pendant encore 2 jours, on vous offre votre Samsung Galaxy View. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la plus belle marche, c'est la plus belle tablette en fait du marché. Mm-hmm. Pour le moment, elle fait 18,4 pouces, un écran Full HD, où elle vous permet de regarder la télévision, de vous en servir comme une tablette toute simple en plus aussi. Mm-hmm. Donc voilà, je vais vous repartir avec ce cadeau pour envoyer dès maintenant Galaxy par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et franchement, elle est super grande parce que si on traduit 18,4 pouces, ça fait 47 cm de diagonale. Exactement. Donc franchement, elle cartonne cette tablette, on vous la conseille. On l'a ici en studio avec nous, elle nous fait rêver, on a envie de la reprendre, mais on va vous l'offrir ce matin. Alors vous avez envie de participer, vous envoyez Galaxy par SMS au 6322. L'émission est interactive comme chaque jour, vous avez envie de venir ici en direct pour parler du sujet du jour. Je vais vous expliquer dans quelques petites secondes. Vous avez envie simplement de raconter ce que vous faites, de passer une annonce aussi comme on a fait hier. Ça se passe comment, Coralie ? Il vous suffit d'envoyer un SMS au 3044, 50 cents par message avec votre demande. Si vous voulez jouer à un jeu, envoyez-nous jeu. Si c'est pour un anniversaire, envoyez-nous anniversaire. Ou encore pour une annonce, dites-nous votre annonce. Ou encore sur le Facebook Summer Fun. Ou pour voir les coulisses de l'émission, allez sur le Snapchat Fleurus Radio. Et puis aujourd'hui, on parle des complexes parce qu'on a tous et toutes des complexes dans la vie. Le plus souvent, c'est physique, c'est vrai. Alors, on a déjà tous entendu je suis trop grosse, je me sens bête. On a déjà tous et toutes entendu ça dans notre entourage. Et pourtant, un complexe, c'est lorsqu'on se focalise sur un élément qui est parfois irréel. Donc, c'est pas spécialement quelque chose de réel. Et bien, comment voir la vie en rose quand on a des complexes? C'est la question du jour, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as des complexes, Coralie? Ouais, ma taille déjà. Ta taille? Ouais, parce que je suis super grande. Normale. Oui, mais je suis une fille et je suis super grande. Donc, j'ai pas une taille normale, non. Parce que je fais 1m76. C'est vrai. Et 1m76, c'est grand. Donc imagine quand je mets des talons de 10 cm, je fais 1m86. C'est impressionnant. Quand t'es à côté d'elle et que t'es là, et t'es un mec, t'es à côté d'elle, tu dis ouf, la bête. C'est vrai que c'est impressionnant. Moi j'aime bien, ça me choque pas spécialement. Vous avez des complexes, vous avez envie d'en parler avec nous et surtout de voir la vie en rose pour mieux passer la journée avec ça. On en parle aujourd'hui. Jusqu'à 9h. Môme, Aloha, ça sent bon l'été. C'est ce qui arrive maintenant. Sur Fun, montez le son. So lover, have you moved? It's been a while since I've had these grooved. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. The unknown. Something more. 10h19 sur Fun Radio. Bon réveil, j'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. Dans quelques secondes, ce sera l'horoscope du jour avec Coco. Écoutez sur Dance Floor, c'est Cheat Code et Sex qui arrive. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'horoscope sur Fun Radio. Et tu as consulté les astres comme chaque jour, Coralie. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous? On commence avec les béliers. La passion est au rendez-vous aujourd'hui. La température risque de monter dans votre couple. Les taureaux. Pour les longues relations, l'usure risque de se faire ressentir. Alors n'hésitez pas et rajoutez un peu de piment dans votre couple. J'aime ça, les gémeaux. Ne vous forcez pas à vous mettre en couple rapidement. Laissez-vous le temps de prendre les bonnes décisions. On continue avec les cancers. Profitez de cette journée pour vous rapprocher de votre conjoint. Les lions à présent. Mercure risque d'embrouiller les célibataires dans des situations amoureuses compliquées. Mais pas de panique, demain est un autre jour. Les vierges. Vous aurez une journée agréable sur le plan professionnel. Mais donc pas amoureuse, les balances. Non. Quelques imprévus vont perturber votre vie conjugale. On continue avec les scorpions. Les astres sont avec vous aujourd'hui, en couple ou célibataire. La journée s'annonce très enrichissante sur le plan sentimental. Les sagittaires. Consacrez-vous plus de temps, vous risquez d'en avoir besoin. On enchaîne sur les capricornes. Il va y avoir des changements positifs dans votre vie amoureuse. Les Verseaux, attention. Vous n'avez jamais été aussi amoureux qu'aujourd'hui. Attention tout de même à ne pas en faire trop. Disons qu'hier je disais que c'est toujours vrai l'horoscope Verseau, mais aujourd'hui, bof bof, hein. Et les poissons? Ne laissez pas la routine s'installer, cela pourrait être dangereux. Et ça c'est vrai, c'est comme ça sort tout le temps dans le même tram, prendre la même allée, on disait que j'étais un fou hier. C'est pas une routine, c'est... Voilà, c'est la vie. Merci d'être avec nous, on parle des complexes aujourd'hui. Vous avez envie d'interagir avec nous, c'est très simple. Vous envoyez un petit SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Ou encore sur notre page Facebook Summer Fun dans quelques secondes. Et c'est Cheat Code qui arrive avec Sex. Montez le son, bon réveil, 6h21 sur Fun. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Sex.

Bon réveil sur Fun. Fun. À 6h30 sur Fun Radio, on s'informe avec Jean-François Servais. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. Pardon, le procureur de Saint-Martin a annoncé l'interpellation du tueur présumé de Wendy, la jeune utoise âgée de 21 ans disparue sur l'île samedi et retrouvée morte le lendemain. L'auteur des faits est un homme originaire de Saint-Martin qui ne présenterait pas de troubles mentaux. Il a pu être identifié grâce à plusieurs témoignages. Les éléments relatifs à sa description physique et son comportement suspect ont permis aux gendarmes français de mener une enquête de proximité à l'endroit où le corps de la jeune touriste a été retrouvé dimanche. L'homme a finalement été interpellé et placé en garde à vue pour être interrogé. Le jeune homme a reconnu avoir bousculé la jeune fille, lui avoir porté des coups à l'aide d'un morceau de verre et l'avoir agressé sexuellement. Une autopsie doit encore être réalisée aujourd'hui. Le corps de la victime sera rapatrié en Belgique en fin de semaine. L'homme interpellé sera déféré devant le pôle criminel de Pointe-à-Pitre demain. Chez nous, 8 voitures ont été incendiées cette nuit dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles. La situation est rapidement revenue sous contrôle et aucun blessé n'est à déplorer. La piste criminelle est privilégiée. Les causes exactes de ces incendies multiples ne sont pas déterminées, mais la piste d'un attentat est exclue. Vers 3h du matin, les véhicules concernés avaient été enlevés de la chaussée. 2 à 3 explosions ont été rapportées sur les réseaux sociaux qui ont largement relayé les faits durant la nuit. Le porte-parole des pompiers expliquait qu'une voiture en feu peut occasionner une explosion si son réservoir de carburant est presque vide ou si certains objets inflammables comme des sprays ils sont présents. La zone de police à Bruxelles a effectué 14 perquisitions durant la nuit de mardi à mercredi. C'est ce qu'on a appris hier dans le cadre d'une enquête sur un important réseau de vente de cocaïne. Il s'agit d'une de ses plus grosses prises avec un total de plus de 400 000 euros et près de 5 kilos de cocaïne. 3 véhicules ont aussi été saisis. Les perquisitions ont été menées dans plusieurs communes de la région bruxelloise composées de 3 frères dont un mineur. L'organisation distribue à grande échelle de la drogue dans plusieurs grandes villes du pays, notamment à Malines, Anvers et Namur. En Italie, les opérations de recherche d'éventuels survivants et de victimes de l'accident de train qui a lieu mardi dans les Pouilles sont terminées. Le bilan de cette catastrophe, l'une des plus importantes de ces dernières années en Italie, s'établit donc à 23 personnes, toutes identifiées et de nationalité italienne. 2 trains circulant sur la même voie se sont heurtés de front mardi en fin de matinée, faisant donc 23 morts et 54 blessés, dont 23 étaient toujours hospitalisés hier en fin de journée. Un petit mot pour conclure sur le Tour de France, pour vous dire que le Slovaque Peter Sagan a remporté hier la 11e étape du Tour, couru entre Carcassonne et Montpellier. C'est son 2e succès sur la grande boucle cette année. Christopher Froome a terminé à la 2e place de l'étape et a conforté son avance au classement général. La 12e étape se terminera aujourd'hui au Chalet Reynard, 6,5 km du sommet du Mont Ventoux. Devait être jugée l'arrivée, mais à cause des conditions météo et notamment d'un vent très violent qui souffle dans cette région, l'étape a été écourtée d'un peu plus de 6 km. Fun Radio. Dans quelques secondes, ce sera le chiffre du jour. On jouera ensemble et puis on vous offrira votre tablette Samsung Galaxy View. Pour ça, vous envoyez Galaxy dès maintenant par SMS au 3044, au 6322, pardon, Galaxy au 6322. Juste avant, Jean-François, que se passe-t-il côté météo? Un temps de nouveau variable et frais avec des averses nous attend aujourd'hui. Cet après-midi, il fera généralement sec, mais surtout dans l'ouest du pays avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 14 et 19 degrés. Puis demain, le ciel sera partagé entre les éclaircies et le passage des passages nuageux. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est à 7h et tout de suite dans le Fun, c'est Drake sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. Baby, I like you so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.

Souvenir, ça, Florida sur Fun. Dans quelques petites secondes, c'est Kungs qui arrive avec This Girl. C'est Camille qui nous a demandé par SMS au 3044, puis que vous pouvez vous aussi choisir votre programmation et on la passe avant 9h. Un problème sur la route? Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Et à 6h47, on fait un point sur nos conditions de circulation. Jean-François, que se passe-t-il en Belgique aujourd'hui? Eh bien, un seul petit souci à signaler ce matin, c'est sur la E40 en direction de Gand. C'est entre Wetteren et Merelbeek en direction de la côte belge. Vous perdez déjà 20 minutes de temps sur votre parcours. Ce sont des travaux qui provoquent ces premiers ralentissements de la matinée. Pour le reste, tout va bien. Eh bien, donc attention à vous si vous êtes peut-être en direction des vacances ou en direction du boulot. Ayez la Fun Solidarité. Vous voyez quelque chose sur la route, vous êtes témoin d'un accident. Faites-le nous savoir par SMS au 3044 ou sur Facebook pour qu'on puisse partager tout ça à la Fun Family. Coralie, aujourd'hui, on parle des complexes. Alors, souvent, les complexes les plus courants, c'est les fesses, les cuisses, les oreilles, le nez. Est-ce que toi, tu avais un complexe? Bah oui, ma taille. Ta taille, ah oui, c'est vrai. Moi, à ton avis, c'est quoi mon complexe? Attention, ça va être drôle. On est quand même proche dans la vie, donc on va voir si elle a capté. Dis-moi. Tu veux jamais te déshabiller devant les gens, pas devant moi du moins. Ça c'est vrai, c'est parce que j'ai un petit ventre. Oui. C'est pour ça. Tu complexes un petit peu de ton ventre déjà. Voilà, c'est ça. On a chacun nos trucs. Moi j'aurais plus dit les oreilles, parce que j'ai aussi les oreilles. Ah ouais, voilà. Vous avez un complexe, vous venez en parler avec nous ce matin pour mieux voir la vie en rose après. C'est notre sujet du jour jusqu'à 9h. Dans quelques secondes, c'est Fabien Feuillage qui va nous rejoindre. Alors ce gars, il est exceptionnel si vous ne connaissez pas. En fait, il décroche son téléphone durant toute l'année, il appelle des inconnus mais toujours avec le sourire et il nous offre des séquences exceptionnelles. Et cet été, on va réécouter ses meilleurs moments. Est-ce que tu crois au voyant? Est-ce que tu as déjà été voir un voyant? J'ai déjà posé une question rapidement à un voyant. J'ai quelques doutes dessus aussi. Perplexe. Et bien aujourd'hui, on va jouer avec les voyants. Allô? Oui, bonjour, je m'appelle Fabien Feuillèche. C'est bien le voyant? Oui. Dites-moi, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez voir si je vais être riche et célèbre comme Brad Pitt? Donc ce qui est drôle ici évidemment, c'est que la personne qui l'appelle s'appelle Monsieur Voyant. Comme nous on s'appelle évidemment. Coralie Flaouine, je m'appelle Anto Fleurus. Donc c'est ça qui va être drôle, on va l'écouter tout à l'heure. Vous avez envie qu'on s'écoute un titre en particulier ce matin? Je le répète, ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Et puis dans quelques instants, on va aussi jouer aux 5 secondes chrono. Coralie, comment faire pour s'inscrire? Il vous suffit d'envoyer dès maintenant chrono par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Et on vous rappellera juste derrière. Et quoi à gagner cette semaine? Des places de cinéma, non. Des places de cinéma. Des places de cinéma. Je sais pas si vous voulez faire l'OP ou ça. Donc voilà, des places de cinéma. Vous pouvez repartir dans des places de cinéma pour le cinéma le plus proche de chez vous. Et donc ce sera exceptionnel. C'est à tout à l'heure. À tout de suite. Gagnez la plus classe des tablettes du marché. Votre tablette Samsung Galaxy View de plus de 18 pouces grâce à Fun Radio. Fun. Toute la semaine, écoutez Summer Fun dès 6h et C'est que du fun dès 17h et éclatez-vous avec la plus grande tablette jamais conçue équipée d'un écran 16 neuvième Full HD de 18,4 pouces en envoyant Galaxy par SMS au 6322. Un nouveau message. Wow, merci Fun, c'est génial. Les cadeaux les plus high-tech, c'est uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Comment tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices estás muy loco. Deja eso mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Ni pregunté, lo único.

kiss stops if the world and I got my truth. Try to say I'm too wild. Did my own thing, so the cool crowd. Late nights with the music too loud. I made it this far and the monster's too proud. So if you don't like me, cause I'm an arrow, I might be. I was raised in the land of hyphy. The world a little different as far as I see. I'm doing me, don't mind me. Only one time I'ma tell you kindly. Please fuck off, I don't need you by me. But if you search, you know where to find me. Don't wanna hang around. Qu'est-ce qu'on s'amuse ce matin, on est tous ici en train de danser, le son à fond dans le studio, 6h59, on se réveille ensemble, Benny Benassi et Chris Brown, Paradise, c'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes. Le temps de vous rappeler que ce matin on vous offre votre cadeau exceptionnel de l'été. Oui, on vous offre toujours votre Samsung Galaxy View, donc vous avez envie de repartir avec cette tablette absolument incroyable parce qu'elle est grande, elle a un écran Full HD, un écran qui fait 18,4 pouces, donc 47 cm de diagonale. Et elle est surtout super super moderne aussi. Oui, aussi. Comment on appelle ça? Ah zut, elle mange un filo entre les mains. Design, voilà, c'est oui, ça. Oui, elle est extrêmement design, il y a une petite poignée pour que vous puissiez la transporter partout. Encore mieux. Donc si jamais vous voulez repartir avec cette tablette, envoyez dès maintenant Galaxy par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et on appelle l'un ou l'une d'entre vous tout à l'heure aux alentours de 9h15, effectivement. Merci Coralie. Fun Radio. Fun. Solde en cuisine équipée chez Kitchen Market. De 20 à 50% de réduction et déjà une cuisine à moins de 2000€. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. 7h sur Fun Radio, bon réveil, on s'informe avec Jean-François Servet, salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous, plus de 3000 vacanciers dont plusieurs Belges ont été évacués hier de camping de la région de Perpignan dans le sud de la France en raison d'un incendie qui menaçait la zone. Un pompier est décédé dans un accident survenu alors qu'il se rendait sur les lieux du sinistre. Avisé par un vent fort, le feu menaçait 4 campings pleins de touristes français, allemands, belges et britanniques. Les plus de 3000 personnes en vacances dans ces campings ont été évacuées très rapidement. La journée d'hier a aussi été marquée par un second incendie important dans le département voisin de l'Aude. Au nord-ouest de Narbonne, ce sont 200 hectares de pinèdes qui sont partis en fumée, non loin du passage du Tour de France, sans pour autant gêner la grande boucle. Officiellement investie comme première ministre britannique, Theresa May a promis hier de relever le défi du Brexit. Celle qui devient la deuxième femme à prendre les rênes en Grande-Bretagne après Margaret Thatcher veut aussi garantir une justice sociale et un maintien de l'unité du Royaume-Uni menacé d'éclatement par la sortie de l'Union européenne. L'ancienne ministre de l'Intérieur s'est vue confier la responsabilité de former le nouveau gouvernement conservateur par la reine Elisabeth II lors d'une audience privée à Buckingham Palace. Elle hérite d'un Royaume-Uni que le référendum a laissé sans dessus dessous entre turbulences économiques et pression des dirigeants de l'Union européenne pour que Londres engage au plus vite la procédure de divorce. La commission d'enquête sur les attentats du 22 mars achemine vers un rapport intermédiaire sur l'action des services de secours ce jour-là. Selon le président Patrick De Waal, la majorité et l'opposition s'accordent sur un certain nombre de recommandations et de constats. Hier, à huis clos, les députés ont formulé leurs remarques à propos du rapport remis par les experts la semaine passée. Les observations sont nombreuses, les experts les intégreront à leur travail. La commission devrait se réunir à nouveau lundi, sans doute au finish, pour adopter un rapport intermédiaire et provisoire avant les vacances parlementaires. Sachez encore que le procureur de Saint-Martin a annoncé hier l'interpellation du tueur présumé de Wendy, la jeune utoise âgée de 21 ans, disparue sur l'île samedi et retrouvée morte le lendemain. L'auteur des faits est un homme originaire de Saint-Martin qui ne présenterait pas de troubles mentaux. Il a pu être identifié grâce à plusieurs témoignages. Les éléments relatifs à sa description physique et son comportement suspect ont permis aux gendarmes français de mener une enquête de proximité. À l'endroit où le corps de la jeune touriste avait été retrouvé dimanche, l'homme a finalement été interpellé et placé en garde à vue pour être interrogé. Il a reconnu avoir bousculé la jeune fille, lui avoir porté des coups à l'aide d'un morceau de verre et l'avoir agressé sexuellement. Une autopsie doit encore être réalisée aujourd'hui. Le corps de la victime sera rapatrié en Belgique en fin de semaine. Un petit mot enfin pour vous dire que la France a été informée d'un projet d'attentat contre des athlètes français lors des Jeux Olympiques à Rio. Ce projet a été évoqué lors de l'audition du patron de la direction du renseignement militaire devant une commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015 à Paris. Aucune information supplémentaire n'a été communiquée par les autorités françaises. Une attaque djihadiste à Rio pendant les JO est une possibilité mais pas une probabilité, avait déclaré début juillet le ministre de la Justice du Brésil. Quelques 85 000 membres des forces de sécurité seront mobilisés pour les Jeux Olympiques qui auront lieu pour rappel du 5 au 21 août. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Dans quelques secondes, côté son dance floor dans Summer Fun, c'est Madonna qui arrive. On aura aussi la chanteuse américaine Ariana Grande. Et puis juste avant, Jean-François, que se passe-t-il côté météo? Le temps sera de nouveau variable et frais avec des averses. Cet après-midi, il fera généralement sec dans l'ouest du pays avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 14 et 19 degrés. Puis demain, le ciel sera partagé entre les éclaircies et les passages nuageux. Merci Jeff. Le prochain rendez-vous à 7h30 tout de suite, c'est le son dance floor sur Fun Radio avec Benny Benassi. Fun Radio. Les soldes XXL sur Krefel.be. Commandez en ligne, livraison possible chez vous 2 heures après. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Tous les matins, c'est Summer Fun. Avec Anto sur Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Bon réveil sur Fun Radio 7h07. Dans quelques secondes, c'est la belle et talentueuse Ariana Grande qui sera avec nous. Côté son dance floor avec son nouveau titre Un Toyo. Juste avant, on vous rappelle que dans quelques minutes également, vous allez pouvoir jouer avec nous, Coralie. Oui, tout à fait, vous pourrez jouer aux 5 secondes chrono avec nous. Donc si jamais vous avez envie de participer et repartir avec vos places de cinéma pour le cinéma le plus proche de chez vous, envoyez dès maintenant chrono par SMS au 3044, c'est 50 cents par message. Comment ça se passe le 5 secondes chrono par exemple, si on le fait entre nous ici? Alors par exemple, si on le fait entre nous, je vais te demander de me citer en 5 secondes 3 animaux marins. 3 animaux marins. La baleine, le poisson. Effectivement, t'aurais perdu. Et autre chose. Voilà. Bah, tu aurais pu dire la baleine, la carpe, le dauphin, oui, le crabe. Voilà la difficulté. Les choses simples peuvent, voilà, peuvent parfois paraître très très bêtes. Ah là là. Bon, j'espère que c'est pas contre moi qu'on va jouer tout à l'heure. Quoique, si vous jouez contre moi, ben vous partirez avec vos places de ciné. Donc, oui, autant le faire. Vous pouvez jouer avec nous donc, en vous inscrivant en envoyant chrono par SMS au 3044. Une petite réaction concernant le sujet du jour. Oui, on a un message de Martin sur le Facebook qui nous dit: je complexe à mort sur ma voix. Elle est vraiment trop aiguë, on dirait une meuf. Eh bien, on en parle juste après, Martin. Voici Ariana Grande sur Fun. station on my radio. The song dance floor. It's so hypnotic. Souvenir, tout ça, ça me rappelle ma jeunesse. C'est vrai que c'était très loin. Devoro, Bailar, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. Le temps de parler jeux vidéo, car c'est vrai que c'est rare, on va pas souvent aborder ce sujet ce matin, et pourtant, ça fait le buzz pour le moment, c'est le jeu Pokémon Go. Ah. Ce sera le clap buzz du jour dans quelques instants, mais avant, Coralie, je vais te demander, est-ce que tu joues au Pokémon Go? Oui. Alors, comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Où c'est arrivé et comment? On va tout dire dans quelques secondes. Mais comment ça se passe pour l'installation? Est-ce que tu l'as, toi, l'installation? J'ai dû le télécharger via Internet, moi, ouais. Via Internet, ok. Eh bien, on va expliquer comment l'installer dans quelques secondes sur iPhone et sur Android. Comme ça, vous allez tous pouvoir jouer à ce jeu qui est interplanétaire, car d'ailleurs, il buzz partout dans le monde. Ce sera notre club buzz du jour dans quelques instants. On aura aussi, côté son dance floor, Kriska Bayoussoufa. Et juste avant, on va danser. Eh oui, direction l'Espagne avec Deoro. Et son titre, Bailar. Bon réveil, 7h17 sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Le Si no jodas. Et ce jeu buzz partout dans le monde. Pokémon Go sera notre clap buzz du jour. Juste avant, je vous rappelle que dans quelques secondes, c'est Chris Cabe et Youssoupha qui arrive avec Bellabing. 7h19, bienvenue. Info, scoop, people, médias, c'est le clap buzz sur Fun Radio. Alors, comment est arrivé ce clap, ce buzz dans le monde, Coralie? Ah, bah, j'aimerais remonter toute l'histoire, c'était il y a très longtemps, mais pour aujourd'hui. Pour le Pokémon Go. On va parler de Pokémon Go qui est enfin disponible en Europe, en Allemagne, pour le premier pays donc européen à l'avoir. C'était hier. Mmh. C'était hier, ouais, effectivement. Et voilà, en fait, le jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait le principe, c'est voilà, vous êtes un dresseur Pokémon, vous créez votre petit personnage et tout. Comme avant d'ailleurs, comme ouais, dans les. Comme avant, sauf que là, c'est vraiment vous. Donc, pour aller capturer vos Pokémon, vous pouvez pas rester dans votre fauteuil à rien faire, à regarder votre téléphone ou votre console. Non, vous devez bouger, vous devez sortir de chez vous. Et ça va être exactement comme une carte Google Maps en fait, d'accord, par exemple. Mm-hmm. Donc, ce sera. Vous devez utiliser votre GPS, votre géolocalisation pour savoir où vous vous trouvez. Et vous allez devoir marcher pour essayer de trouver des Pokémon, pour défier d'autres. Donc, ça se passe dans la vraie vie, c'est ça? Exactement. Mmh. Donc quand on veut capturer un Pokémon de nouveau, il faut utiliser l'appareil photo. On peut pas juste appuyer sur un bouton tout simplement. Et il faut chercher, il y a plein de petits endroits. Le jeu en plus nous fait découvrir des monuments, des endroits un peu méconnus de Belgique ou du monde entier justement. Donc c'est vraiment c'est assez sympathique. Et voilà, donc c'est vraiment de la réalité augmentée. C'est le nouveau jeu qui buzz pour le moment. Et comment ça se passe pour l'installation? Parce que je pense qu'il y a quelques particularités à ce niveau-là. Bah, pour l'installation, pour le moment, vu qu'il n'est pas encore officiellement, qu'il n'est pas encore sorti en Belgique. D'accord. Pour ceux qui sont sur iPhone, il faut aller dans l'App Store, vous déconnecter de votre compte. Mm-hmm. Vous devez ensuite en recréer un. Ah oui, pour recommencer. Ouais. Okay. Vous faut toujours garder l'autre, il n'y a pas de souci, vous pourrez vous reconnecter après. Mais c'est juste pour le jeu. Mais c'est juste pour le jeu, ouais. Et voilà, vous devrez en recréer un et vous devrez cocher la case États-Unis en fait pour quand vous voulez choisir votre pays. Ah oui, on doit s'identifier comme si on était là-bas pour pouvoir avoir accès au jeu dans l'App Store. Exactement. Après, vous devez entrer une adresse, vous pouvez entrer une adresse aléatoire, donc n'importe quelle adresse américaine que vous trouvez, d'accord, sur Google. Et ensuite voilà, vous devez vous rentrer vos données, après vous pourrez télécharger tout simplement l'application qui arrivera sur votre téléphone. Et puis c'est parti, on joue. Et pour Android, comment ça se passe? Pour Android, il faut trouver un. C'est un peu moins complexe, je pense. Ouais, il y a un lien qui traîne sur internet, vous le tapez simplement sur Google Pokémon Go, télécharger Android, vous le trouverez sans problème. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour Android. Eh bien, on vous publie d'ailleurs toutes ces étapes sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Le jeu Pokémon Go, eh bien, on va le télécharger nous aussi et on va l'essayer juste après. Je pense d'ailleurs que toi tu l'as. Oui, je l'ai déjà. Et donc, trois Pokémon. Je suis top. Mais t'es fan de Pokémon étant petit. Ah ouais, j'adore. Je suis encore fan maintenant. La semaine prochaine, on va faire une émission spéciale dessin animé et là, ce sera l'occasion de parler de Pokémon et de toute l'aventure, de toute l'histoire Pokémon. Vous êtes fan de Pokémon, bah, venez en parler avec nous. Ce sera vendredi prochain. À tout de suite. Prenez une bonne dose de fun. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Cette année, pour la route des vacances, j'ai tout prévu. T'as juste oublié un truc, on n'a pas de voiture. Restons zen. Jusqu'au 31 juillet, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves, suréquipées, immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Hey, c'est moi, Hip. En juillet, rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. Remplissez votre carte épargne et à l'achat d'une place dans le parc d'attractions de votre choix, bam, vous recevez une place gratuite. Vos enfants vont adorer ça. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Fun Radio. When you say you love me, tell me don't leave it, nah, nah, nah. Now I got that feeling you without me. You could have seen me shine. I'll tell you one more time.

Vous avez envie de jouer avec nous dans quelques instants aux 5 secondes chrono, vous inscrivez par SMS en envoyant chrono au 3044 pour 50 centimes le message. Fun. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Aspirateur, centrale vapeur, micro-ondes pour moins de 100 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. 7h30 sur Fun Radio, bon réveil. Comme toutes les demi-heures, on s'informe avec Jean-François Servet. Salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. 8 voitures ont été incendiées cette nuit dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles. La situation est rapidement revenue sous contrôle et aucun blessé n'est à déplorer. La piste criminelle est privilégiée. Les causes exactes de ces incendies multiples ne sont pas déterminées, mais la piste d'un attentat a été exclue. Vers 3h du matin, les véhicules concernés avaient été enlevés de la chaussée. 2 ou 3 explosions ont été rapportées sur les réseaux sociaux qui ont largement relayé les faits durant la nuit. Le porte-parole des pompiers a expliqué qu'une voiture en feu peut occasionner une explosion si son réservoir de carburant est presque vide ou si certains objets inflammables comme des sprays y sont présents. La commission d'enquête sur les attentats du 22 mars s'achemine vers un rapport intermédiaire sur l'action des services de secours ce jour-là. Selon le président Patrick De Waal, la majorité et l'opposition s'accordent sur un certain nombre de recommandations et de constats. Hier à huis clos, les députés ont formulé leurs remarques à propos du rapport remis par les experts la semaine dernière. Les observations sont nombreuses, les experts les intégreront à leur travail. La commission devrait se réunir à nouveau lundi, sans doute au finish, pour adopter un projet intermédiaire et provisoire avant les vacances parlementaires. La zone de police de Bruxelles-Ouest a effectué 14 perquisitions durant la nuit de mardi à mercredi dans le cadre d'une enquête sur un important réseau de vente de cocaïne. Il s'agit d'une de ses plus grosses prises, avec un total de 400 000 euros et près de 5 kilos de cocaïne. 3 véhicules ont aussi été saisis. Les perquisitions ont été menées dans plusieurs communes de la région bruxelloise, composées de 3 frères dont un mineur. L'organisation distribue à grande échelle de la drogue dans plusieurs grandes villes du pays, notamment à Malines, Anvers et Namur. Au Tour de France, le Slovaque Peter Sagan a remporté hier la 11e étape courue entre Carcassonne et Montpellier. C'est son 2e succès sur la grande boucle déjà cette année. Christopher Froome a terminé à la 2e place et a conforté son avance au classement général. Le Belge Jürgen Vandenbroeck, qui a lourdement chuté, a quant à lui abandonné. La 12e étape se terminera aujourd'hui au chalet Reynard, 6,5 km du sommet du Mont Ventoux. Devait se juger l'arrivée, mais à cause de vents très violents qui soufflent dans cette région, l'étape a été écourtée. Un petit mot enfin pour vous dire que trouver des images des îles Féroé sur Google Street View n'est pas une tâche aisée. Seuls quelques clichés publiés par des anonymes sont consultables. Et pour cause, le géant américain n'a pas encore exploré l'archipel. Pas question pour les habitants d'attendre le bon vouloir de Google. Ils ont eu recours à des moutons, qui sont quand même 2 fois plus nombreux que les hommes sur ces îles, pour créer leur propre mapping. 5 moutons ont donc été équipés de GPS et de caméras 360 degrés avant d'être lâchés dans la nature. Les données ensuite récoltées vont aussi permettre de confectionner une cartographie. On a hâte de découvrir les images. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Dans quelques secondes, on se réécoute les meilleurs moments de Fabien Feyèche. Aujourd'hui, on parle de voyance. On aura aussi, côté Sun Dance Floor, eh bien, Duxo, c'est Ritza. Juste avant, Jean-François, on fait un point sur la météo du jour. Le temps sera de nouveau variable et frais avec des averses. Cet après-midi, il fera généralement sec et dans l'ouest du pays avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 14 et 19 degrés. Et puis demain, le ciel sera partagé entre les éclaircies et les passages nuageux. Le prochain rendez-vous, c'est à 8h avec les infos. Et tout de suite, c'est le Sun Dance Floor qui est de retour sur Fun Radio avec Enrique Iglesias. Fun. Fun Radio. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encastrables. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Summer Fun. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres